Sûr de toi, mais mal dans ta tête. Tu as laissé tout tomber avec aucun regret. Quand on a trop de souvenirs, il est temps de partir. Thank you.